te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Mesdames et messieurs, une autre grosse émission en ce jeudi 5, 6, je m'en rappelle 6. 6 décembre. Et une autre grosse émission qui s'en vient. On va vous parler BD cette semaine. Je vais vous parler un peu de la fiesta ludique, des nouvelles, une petite critique aussi de jeu. Je vais vous présenter l'équipe, comme à l'habitude, de Monsieur Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour. Et là, tu vas nous parler, on devrait avoir le temps là, de parler du nouveau Paper Mario sur 3DS. Oui. On va parler de ça avec Andrew plus tard. On a Monsieur Julien Materne qui est avec nous en studio, un ami là, qui vient comme ça à l'occasion nous parler. On avait parlé avec Julien lors de notre spécial 3h lors du Radioton de CKIA. On avait parlé BD. Et il revient nous parler de BD, mais cette fois-ci, on va dans une thématique plus précise, Julien. Aujourd'hui, on évoque du Star Wars, simplement. Et aussi, je pensais parler un peu avec la sortie Blu-ray de Dark Knight Rise, de la BD qui l'a inspiré. Excellent. Donc, on parle BD, comic book aujourd'hui. Et pour ma part, je ferai un retour rapide sur la fiesta ludique qui a eu lieu le 1er décembre dernier à l'atrium du pavillon de Coninck de l'Université Laval par les gens de Philosophia. Je suis allé faire un petit tour là-bas et je vais vous en parler également. Et comme à notre habitude, je vous rappelle qu'il y a Puissance Maximale est un site internet, le www.puissancemaximale.com pour aller chercher nos émissions, nos podcasts. Et mesdames et messieurs, une nouveauté depuis cette semaine, Puissance Maximale a un nouveau logo. Et le nouveau site, le chantier est recommencé. Ouais, Andrew a eu des problèmes de PC, donc on est obligé de recommencer, mais... Le lecteur audio torche. Oh oui, on va programmé par moi, ça va être de toute beauté. Donc avec le nouveau logo, on a aussi un nouveau graphisme, des nouvelles couleurs pour l'émission, ça va s'en venir aussi sur le nouveau site. D'ailleurs, on remercie M. Louis Simard qui a fait la conception avec moi finalement, là, du logo. On a fait ça, on a finalisé ça la semaine dernière. On est bien content de l'avoir présenté sur notre page Facebook. Donc, allez sur notre page Facebook, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Allez appuyer sur le bouton J'aime parce que nous, on vous aime. Et partagez aussi, on dit ça à tous nos auditeurs, mais partagez la page de Puissance Maximale également. Plus qu'il y a de J'aime, plus qu'on aime. Et effectivement. Puis en plus, on a des t-shirts à vendre avec le nouveau logo. Ça, allez voir le nouveau logo. Dépêchez-vous, par exemple, parce que. Ça part vite. Je suis en feu. Ah oui, ça fait deux jours qu'on l'a annoncé, puis on a presque vendu la quantité initiale qu'on avait commandé. On va peut-être augmenter tout de suite là, ce qu'on a commandé. Mais bref, allez sur le Facebook, allez nous écrire un petit message privé. Si le t-shirt vous intéresse, vous allez voir le logo de toute façon en entrant sur la page Facebook. Il y a toujours aussi le site de CKIA, le CKIAFM.org, pour aller chercher votre carte de membre de la station pour encourager la station, bien évidemment, avec un petit 20$. Profitez-en pour encourager une station différente à Québec et en même temps votre émission préférée, Puissance Maximale. Et on va commencer, comme à notre habitude, en musique, M. Castegan. Oui, ça va être la tune Japan de Lonely Island. Oh yeah, parce qu'on aime ça, Lonely Island. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Wow! I can't believe we're in Japan! Look at all the lights, the food! Japan. We've never been to Japan, so we wrote a song about the three of us in Japan. And our label has to pay for it. Here we are at our five-star hotel, the one from Lost in Translation. In Japan! The views are amazing and there's champagne waiting, because that's how we wrote it. Yummy! And now the label has to pay for the video. Yay! And pay for everything that we say. No matter what! For example, I'll be getting a massage right now, and I'll be drinking some sake. So expensive! Who cares? Here we are at the most expensive sushi restaurant in Japan. Mm. And now we're at Tokyo Disneyland. And now we're in Hawaii for one random shot that our label has to pay for. Yes, we're free. We are white and we're friends. In Japan! At this point in the video, we'll be super drunk. Whee! Standing near some kind of dragon. Rawr! And then we'll buy some stinky used girls' panties. Wow! Out of one of those pervert vending machines. Now we've seen sumo wrestling live. Cool! Unless we get dropped by our label. Because we're three white douchebags in Japan. Listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à puissance maximale après Japan de Lonely Island. Et vous avez entendu le créateur de Tetris que nos amis, c'est, je pense, c'est François qui avait eu la chance d'interviewer le créateur de Tetris ici à puissance maximale. Donc, salutations à François en passant. C'est le fun de fouiller dans les vieux indicatifs. Ben oui, il nous en manquait. On va pouvoir faire du nouveau à ce niveau-là aussi. Et, Nouveau avec du vieux. Avec du vieux. Et on va débuter en parlant de la Fiesta ludique, un rapide retour sur la Fiesta ludique qui a eu lieu le 1er décembre dernier à l'Université Laval par les gens de philosophie. Écoutez, je me suis rendu là. J'étais allé la première année. J'avais beaucoup aimé parce que le principe est assez simple. Les jeunes de philosophie amènent leur jeu, beaucoup de nouveautés, mais aussi des classiques. Amènent ça dans une salle. Ça coûte rien. On se présente et on joue. Mais en plus, il y a des animateurs sur place qui nous expliquent les jeux. On s'assit pas en faisant « Bon, ben, lisons les règles, puis après ça, on va commencer à jouer. » Non, il y a des animateurs qui connaissent les jeux. Il y avait Christian même, aussi ancien collaborateur de Puissance Maximale, qui était sur place, qui était animateur avec les jeunes de Philosophia, qui est un expert ludique, notre ami Christian, et avec qui j'ai parlé. Justement, c'est lui qui m'a donné les infos sur l'événement quand je me suis présenté. Dis-moi, là, tu viens de me dire ça, puis je vais me sentir mal d'avoir préféré d'avoir... Ben, c'est ça. D'avoir préféré faire un road trip avec des amis de filles que de venir avec toi. Ben, c'est ça, regrette, Andrew. Donc, c'est ça l'événement. C'est tout simplement ça. On nous fait, donc, c'est sûr que là, on nous fait découvrir des jeux. Il y avait la possibilité d'acheter des jeux également sur place, les jeux de Philosophia. Écoutez, moi, je suis arrivé là. La première année, j'étais allé. Il y avait eu quand même pas mal de personnes en rotation. Je me suis présenté le 1er décembre. Il était 16 heures environ. J'étais sur le cul. En fait, on m'a confirmé à l'événement qu'ils avaient eu au-dessus de 300 personnes et pas juste des geeks ludiques. Il y avait des familles qui étaient présentes aussi parce que là, ils ont commencé à faire plus de pubs un peu dans les médias traditionnels. Entre autres, là, il y avait une pub qui était parue dans le journal Le Soleil. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont présentés sur le site en disant « Hey, j'ai vu ça dans le journal. » Donc, C'était plein quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde, c'était très dynamique, c'était vraiment le fun, l'ambiance. Il y avait des nouveautés qui étaient sur place, dont Summoner's War qui était là, un jeu un peu type Magic de Gathering, mais avec un plateau, c'est un peu le même principe, on est un roi, seigneur, mage, là, et on invoque des créatures comme dans Magic, sauf que on a la contrainte du plateau, il y a des mouvements à faire sur le plateau, il y a un petit peu plus de stratégie que dans Magic, mais vraiment intéressant. Contrairement à Magic, par exemple, c'est pas un jeu de... où on va collectionner des boosters de cartes là, qu'on va aller acheter dans des magasins spécialisés. Le jeu vient avec deux armées et on y va comme ça, puis c'est bien balancé. Donc c'est le petit côté qu'on peut pas vraiment changer nos decks de cartes comme on veut, mais très intéressant côté stratégie. Il y avait un tournoi en fait pour ça, parce que c'est une nouveauté la version française, parce que ça fait quand je pense ça fait 2 ans que la version anglaise était sortie, mais là la version française est arrivée et c'est Philosophia qui l'éditait, donc ils nous ont amené ça. Il y avait un tournoi, ils en ont profité pour faire jouer tout plein de gens, et là il y avait d'autres nouveautés également, dont le jeu Le Hobbit, qui est basé vraiment sur la franchise du film qui s'en vient dans une semaine et demie environ. Normalement, c'est vrai, habituellement, dans ce genre de jeu-là sort, des fois, on a peur, parce que, justement, un jeu de franchise, de film, avant la sortie, ça sent le jeu pour mousser, c'est peut-être pas nécessairement un gage de qualité, même si ça a le seal of approval de la franchise, et non. Écoutez, un beau jeu, un beau plateau, des belles pièces, et finalement, on joue, il y a un pion Gandalf, un pion Bilbo, et on va faire le voyage. C'est un jeu coop, donc on va tirer des cartes pour s'aider à avancer et tout. Un jeu vraiment intéressant qui était là également. Et écoutez, j'ai pas eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux là. J'ai parlé avec beaucoup de gens là. J'étais là pour l'ambiance aussi, pour parler avec les gens. J'ai essayé des petits jeux aussi qu'il y avait. Ils ont fait un rallye cette fois-là aussi. On arrivait, on essayait 3 jeux. Après ça, on avait un petit coupon de participation pour gagner ces 3 jeux-là qui faisaient tirer. Ces petits jeux rapides, des jeux surtout de mémoire, rapidité d'exécution, d'observation qui étaient présents. Là, les noms m'échappent. J'avais une note que j'ai oublié malheureusement à la maison. Je pourrais vous amener ça à l'émission de la semaine prochaine parce que c'est des jeux. On veut vous dire en même temps que l'émission de la semaine prochaine, ça va être une émission spéciale cadeau. Donc, Monsieur Castegan et moi-même allons faire des suggestions cadeaux pour le temps des fêtes pour vous ou pour des êtres chers. Ouais, moi je vais m'occuper de la section pas en bas de 500. Ouais, c'est ça. Il faut payer. Écoute, ouais, vu qu'on est si proche des fêtes, on pourrait faire une section qu'est-ce qui reste en magasin. Il reste toujours du stock en magasin ou à acheter sur internet. En tout cas, la question, on va répondre à une question. Est-ce qu'il reste des Wii U? Non, mais ça, on s'en fout. on va être clair là, on s'en fout de la Wii U. On a vu les stats, on a vu les specs, puis on a vu les critiques des jeux pour le moment là. Je pense que, en tout cas, on va revenir parce que on va la tester la Wii U, Monsieur Castegan, prochainement. On le 27. Le 27, ça va être après les fêtes, mais on... le jour de l'émission en plus, on va la tester, on va venir en studio faire l'émission, ça va être tout frais en mémoire. Tout frais, on va tester ça pour vous. Tout ça pour dire que c'est ça, il y avait 3 jeux à la Fiesta Ludique qu'on pouvait tester, des petits jeux amusants qui peuvent être joués autant par les jeunes enfants et leurs parents, vraiment intéressant. Sauf que les noms ne viennent pas, mais je vais vous amener ça parce que c'est vraiment des bonnes idées cadeaux à faire pour en famille, des petits jeux rapides, le fun entre amis, en famille là, c'est des petits jeux vraiment intéressants. Je vais vous en reparler la semaine prochaine, j'amènerai les noms en question. Donc c'est pas mal ça pour la Fiesta Ludique. Un gros bravo à la gang des Philosophia, un autre bel événement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Il y avait aussi une section, ce que j'ai oublié de dire, il y avait une section de jeux libres. Donc, on avait une grande bibliothèque avec plein de jeux disponibles. On allait s'asseoir à une table et on jouait à ce qu'on voulait finalement. Il y avait des tables qui avaient des jeux déjà préarrangés, préparés finalement là, pour que les gens puissent y jouer. Mais on pouvait jouer à ce qu'on voulait dans la collection Philosophia qui était présente. Un autre bon point à cet événement-là. Donc, félicitations aux gens de Philosophia. Au-dessus de 300 personnes le 1er décembre dernier pour participer à cet événement-là. Une suggestion sans farce là, pour les amateurs de jeux de plateau, de jeux de société, il faut vous y rendre. C'est un rendez-vous à chaque année. Là, vraiment, là, ne manquez pas ça l'année prochaine. C'est bon, je vais t'écouter. C'est une question que tu m'envoies pas un texto le matin pour dire « je suis déçu ». T'aurais dû venir. Donc voilà, un rendez-vous pour l'année prochaine pour les amateurs de jeux. Et on va continuer, mesdames et messieurs, en musique. Oui, maintenant, en fait, ça va être deux petites tunes très courtes. La première, ça va être une tune de Smosh. On a déjà passé des raps de eux. Ils font des petites tunes à thématiques. Smosh, qui est un duo humoristique sur les internets. Exactement. Ils ont fait un album avec des musiques humoristiques, dont une s'appelle Happy Cow, qui est très courte, donc je vais la passer. Et un classique qu'on a déjà passé, Dovahkiin. Donc, on va y aller avec du ridicule, suivi du hippic. Ça va être de toute beauté. Et voilà, vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Happy cow, happy cow, everywhere you go. Happy cow, take it to it, bro. Happy cow, follows you all day. Happy cow, play, play, play, play. Happy cow, better than the rest. Cow is the best. Let's try that again. Happy cow never goes away. Happy cow, you must always play. Happy cow, you'll never be bored. Happy cow, never be. Let's hear that again, now that your soul is ours. Happy cow, steals your will to live. Happy cow, your eternal soul you'll give. Cow, available in stores now. Wow, that song sucked. Who's rapping? Dovahkiin. Dragons? I'm not over keen. I'll dice them like a knife, slicing right through an aubergine. My dragon shell flow is sweeter than a soda stream. You won't believe your eyes. I'm like an overload of dopamine. A broadsword in one hand and a magic spell in the other. I'm the last of the dragonborn. There's no other. My brother, so run for cover. If you've got scales, then I'm on your tail. And I will not fail like a free-roaming sandbox game. I'm off the rails. I walk the trail through awful gales and storms of hail till all the nails are knocked into your coffin. I'm not stopping till you're impaled and I prevailed in the name of the Nords. I pray to the Lord, you all get a taste of the blade of my sword. I'm taking on hordes of enemies. I face him with hordes of weaponry. The drain of my force, the chemistry comes into play with retorts and recipes. Alchemy mixing like a DJ. Restoration, restore my energy. My legacy, odyssey, elegy, prophecies written in heavenly bodies and buried with everybody that ever did bother to mess with me. Dead and I'm terribly, horribly. I'm a celebrity, honestly. You're a wannabe. I'm a prodigy. The suggestion you're better than me at being a warrior? Ha! It's a gift to me. I don't just spit flames lyrically, but literally. And the Elder Scrolls are scripts in which I've written your obituary. I am the Dragonborn, wearing a hat with badass horns. I'm Dovahkiin, I'm globally, you're nobody at all. Hallo, ich bin Peter Eckert von den Eckert-Spielen aus Hamburg. Und wir hören jetzt Puissance Maximale. Et oui, de retour à puissance maximale, et justement, vous venez d'entendre un concepteur de jeu qui était là à la première année de la Fiesta ludique à Québec, Monsieur Peter quelque chose, mon allemand est pas très bon. Peter Ergerstel. Je vois que ton allemand est aussi bon que le mien. Donc, excellent. On va continuer cette émission avec Monsieur Julien Materne, et on va parler bande dessinée, mais on va y aller principalement, on va parler de Star Wars, parce que on sait récemment, hein, on l'a su, Disney a acheté Lucasfilm, puis là, tout le monde a capoté. Puis honnêtement, ça sert à rien, parce que j'ai deux beaux exemples pour vous. Marvel puis Pixar. Et voilà. Marvel! Marvel a juste plus d'argent et a fait des films comme Avengers. Voilà. Donc, on va parler Star Wars, on va parler de BD de Star Wars, Julien. Et avec quoi on commence? Je vais commencer par, dans le fond, une BD qui est un peu un spin-off d'un jeu, Knights of the Old Republic, pour ceux qui se rappellent, de BioWare. Pas... Old Republic, là. Knights of the Old Knights Republic. Knights of the Old. Les vieux RPG, vraiment excellents. Oui, la BD, dans le fond, c'est un peu en parallèle aux aventures de Revan puis Malak, à l'époque où c'est qu'il était encore Jedi. Dans le fond, on suit un apprenti, un padawan. On rappelle un peu, là, Revan et Malak, c'est les deux méchants là, dans la première série. Dans le premier jeu là, de ces jeux-là, de cette série de RPG. On en a encore des échos, d'ailleurs, dans le deuxième et dans le MMO Old Republic. Dans le fond, ça se passe, on suit les aventures de Zink Karik, qui est un padawan un peu, qui a une relation très spéciale avec la Force, c'est-à-dire que ça marche pas tout le temps comme il veut. Puis sous fond de prophétie pendant la guerre mandalorienne, dans le fond, c'est que pendant que Malak et Revan sont en train de se casser la gueule avec des mandaloriens, un groupe de Jedi ont une prophétie, une vision comme quoi leurs apprentis vont devenir Sith. D'où la résurgence de l'Empire Sith. et vont tuer leurs apprentis pour éviter ça, le seul suivant étant le plus poche de la gang. Et ils font pas dans le fond, c'est que vu qu'ils réussissent à se sauver, ils font porter le chapeau. Et c'est des aventures, en fond, sur plusieurs volumes, de comment il va essayer de laver son nom, en guillemets, avec tout du monde qu'il va rencontrer. Puis, pas seulement donner un plus puissant Jedi, mais quelqu'un de un peu plus balancé, je dirais. Tu peux continuer. Moi, j'ai la BD entre les mains. Moi, j'aime ça regarder les BD. C'est environ, je crois que c'est 11 volumes. Qui s'est construit récemment avec, dans le fond, la BD finit avec... C'est quand même assez récent, ça? C'est quand même assez récent. On parle de 5-6 ans. Ce qui est le fun, ben, c'est que vu que c'est parallèle à ce qui se passe dans Old Republic, on voit un peu Malak puis Revan dans leurs aventures. Ben, pas seulement, mais on les croise souvent. D'ailleurs, le personnage principal devient ami avec Malak à l'époque où il était encore Jedi. Moi, je suis en train de feuilleter ça, puis je peux vous dire que les dessins, là, j'adore. Puis ce qui est le fun, c'est que le dessinateur change souvent, mais l'auteur reste le même pour tous les volumes. Donc, forte continuité tout le long. L'autre que je vais vous parler ensuite, c'est Star Wars Legacy. Star Wars Legacy, qui est une BD un peu que j'ai beaucoup aimé, parce que, dans le fond, ça au lieu d'aller dans le passé Star Wars, ça va dans le futur. C'est que ça suit la famille Skywalker. On parle peut-être de 100 ou 150 ans après le retour du Jedi. OK, c'est pas mal après. Parce que je sais qu'il y a des romans, il y a des trucs qui ont été sortis par la progéniture de Luke Skywalker, mais là, c'est vraiment plus loin. Mais jamais aussi loin que ça. Dans le fond, c'est l'arrière-petit-fils de Luke qui va... On suit ses aventures, dans le fond, qui est un peu un ex-Jedi désabusé. Et qui se ramasse, dans le fond, après une seconde purge Jedi, parce que, oui, effectivement, on peut pas garder les Sith morts. Et non. Les Sith reviennent, purgent encore une fois les Jedi, refont un empire, et on se ramasse à suivre les aventures de Kate Skywalker, qui devient pirate après avoir survécu enfant à la purge Jedi. Dans le fond, aussi un junkie. Faut ce qu'il faut. Hein? Ouais, pour couper sa collection à la force, dans le fond. Ce qui fait que, dans le fond, c'est un personnage très gris. On est loin d'Anakin Skywalker ou de Luke Skywalker. On est loin de Darth Vader. Par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit souvent des apparitions un peu comme à la Obi-Wan Kenobi dans les autres films, où c'est qu'il dit « Luke, il faut que tu ailles sur Dagobah ». Là, au lieu, tu vois Luke Skywalker dit « Tu dois redevenir un Jedi » ou Anakin qui dit « Si tu continues comme ça, tu vas devenir comme moi, petit gars ». Là, est-ce que c'est le frisé blond que je vois? Oui, c'est le petit frisé blond qui a une coupe très 1990. C'est clair. Ah, mais j'aime le dessin encore là-dessus. Un bel esthétique. Mais l'histoire est solide parce que, dans le fond, c'est un peu le dilemme. Le full circle de la famille Skywalker. Dans le fond, les Skywalker, on sait qu'Anakin était supposé amener la balance à la force. Mais c'est plus Kate qui va réussir, pas seulement en le faisant volontairement, mais parce que il se rend compte, dans le fond, au lieu d'une aventure, que la force, c'est pas nécessairement le côté obscur, le côté clair qui importe, c'est la façon de t'en servir. Parce que Star Wars, c'est quand même, dans les films, là, surtout ceux qui sont concentrés sur les films, c'est très blanc ou noir. On peut pas utiliser des pouvoirs du côté obscur sans qu'on soit totalement corrompu mais c'est ça, dans les œuvres de fiction autres que les films, là, dans les romans, moi je trouve que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressant comme concept. Ben justement, comme on parle, les Sith dans cette itération-là sont beaucoup plus comme Old Republic, mais ne font pas nécessairement j'avais lu un livre, la philosophie Star Wars, qui disait que les Sith qui racontent la vérité et les Jedi qui disent des demi-vérités c'est très, comme si c'est une BD où tout est très relatif. Les Sith font ce qu'ils font pour sauver la galaxie, en guillemets, parce que le maître Sith, dans le fond, est un Jedi survivant de la guerre des clones, qui a vu la guerre des clones, l'Empire, tout ce qui a suivi un peu, et qui a donné la conclusion que seulement lui et le côté obscur de la Force pouvaient changer les choses, sauf qu'il se ramasse à se poigner contre Kate, qui, lui, dans le fond, veut sa vengeance pour la mort de sa famille, dans le fond, de la lignée Skywalker, dont il est le représentant, et des Jedi. Ensuite, je vais aller avec une BD qui est le fun, c'est Star Vector, deux volumes. Ce qui est le fun, c'est que ça raconte, dans le fond, l'histoire d'un artefact perdu à travers le temps dans l'univers de Star Wars, un artefact Sith. Ce qui est le fun dans cette BD-là, par contre, c'est qu'il faut quand même avoir lu, justement, Legacy prend Old Knight of the Old, parce que ça relie les deux ensemble. Ah, c'est le fun. Ce qui est le fun, c'est que l'artefact se ramasse dans une aventure de Old Republic et continue son avancée, tombe dans les mains de Darth Vader plus tard, tombe dans les mains de Kate plus tard. Donc, on voit un peu comment cet artefact-là influence, dans le fond, l'historique de Star Wars à travers les générations. Il faut dire que c'est ça, dans l'univers Star Wars a grandi, là, celui qu'on découvre dans les romans, les jeux vidéo aussi, c'est que Star Wars, un truc qu'on a évacué un peu avec la dernière trilogie qui était sortie, c'est le petit côté mystique. Là. C'est pas juste technologie. La force et la grippe. Ouais, ben, c'est ça. Mais il y a des artefacts. C'est ça, des artefacts qu'on trouve aussi dans les jeux qui vont être teintés justement de certaines influences de la force. Là, on en retrouve ça dans Vector. Ouais, exactement. Mais comme dit, c'est une BD qui va être un peu dure à suivre pour les non-initiés parce qu'il faut avoir lu Old Republic et même Legacy. Puis je dirais même que c'est le chapitre qui concerne Legacy est très important parce que c'est une scène clé pour le reste de la série. Si tu n'as pas lu ça, tu vas comprendre ce qui s'est passé, mais tu vas faire « me semble qu'il manque un chapitre ». Excellent. Moi, je vais regarder ça. Ensuite... Mais moi, tout ce qui parle de Darth Vader... Parce que Darth Vader, il est cool. Oh oui, c'est avant que Lucas le scrappe. Sauf dans la version Blu-ray. Ouais, ça, non, quatrième film. Ça, Vader qui est comme un gros mongol, non. Je peux comprendre quand sa femme vient de mourir, mais quand il tire Palpatine en bas d'un shaft de ventilation, non. Non, non, c'est à cause que sur la version Blu-ray, quand tu le vois de proche, tu vois pas mal tous les défauts du costume. Ouais, les premières années. Ça aussi. Le Blu-ray, ça a tué les vieux films de science-fiction et la lutte. On va lancer avec une BD un peu plus atypique. C'est une BD pour les fans de la trilogie originale qui se passe quelques années avant la trilogie originale. Par contre, je récite que c'est un peu le James Bond de Star Wars. Ici, c'est une BD qui est toute récente. Ça s'appelle Agent of the Empire. On suit ici, dans le fond, comme c'est un peu le sous-titre de la BD, les Stormtroopers sont le marteau de l'Empire, lui c'est le scalpel. Ah. On suit, en fond, un agent impérial, l'équivalent d'un agent de la CIA, Gestapo ou KGB, dépendamment de votre vision de l'Empire. Donc, des services secrets de l'Empire. C'est ça. Donc, l'espèce d'équivalent non syndiqué de James Bond de l'Empire qui va à travers ses aventures. Puis, jamais sans vraiment, comme on dit, encore une BD très grise, parce que le gars est convaincu que la job qu'il fait pour l'Empire, c'est la job de sale, de tuer des gens, faire des cover-ups, en guillemets. J'ai une question. Dans ce que tu nous as présenté pour jusqu'à maintenant, là, est-ce qu'on c'est plus adulte dans le sens... C'est beaucoup plus adulte, ouais. Oui, effectivement. Non, surtout Agent of the Empire, je recommande vraiment moins aux enfants. Quoique, comme je dis, c'est un peu dans l'univers James Bondesque. On n'a rien de terriblement... Il y a rien de gore. Non, gore. Mais c'est adulte. Là, c'est plus adulte, oui. On assume le fait qu'il tue des gens. Il rentre dans un bar, il spot la fille comme dans James Bond, puis « Ah ouais, let's go », puis « C'est quoi le secret de ton amant ?» Ah, c'est bon. Mais dans Agent of the Empire, est-ce que le personnage principal, est-ce que c'est un Sith ou c'est... Non, absolument pas. C'est un Joe Blow normal. C'est intéressant parce que c'est bien le fun, les Jedi, les Sith et tout, là, mais c'est de voir d'autres personnages. Là, non, aussi, c'est vraiment un agent impérial, tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a ses gadgets, puis son intelligence pour survivre, that's it. D'ailleurs, c'est aussi un ancien collègue d'académie de Han Solo à l'époque où il était pilote de chasse pour l'Empire. Ah. Il y a quelques références dans les films, c'est qu'il avait fait l'Académie impériale. Ouais, ben, ouais. Il se croise à un moment donné, puis il dit « Ah, toi, mon... » Ah, c'est bon. « Autour d'une bière. » Fait que très intéressant à ce niveau-là, pour un peu sortir de la dynamique Sith Jedi. Ça, c'est une série... là, c'est en cours présentement, c'est pas fini. La première série est terminée, une deuxième qui vient de commencer. Ah, OK. Disponible dans tous vos bons magasins de comic book. Puis là, ça veut dire que la première série, elle doit être disponible comme en gros relié avec toutes les... elle vient de sortir en volume, là. Ah. Y a pas problème. La deuxième, par contre, encore un petit magazine. C'est généralement des histoires de 5 petits volumes. Ah, okay. Donc c'est pas un gros investissement. Pour le monde qui connaît l'univers étendu aussi dans les romans, on voit des personnages familiers au niveau champ de l'Empire, là, comme la famille Hissar, qui est un peu la famille qui contrôle l'intelligence impériale à l'époque. Là. Ah, ceux bon. Qui ont lu un peu les romans. Et là, on va finir avec une dernière de Star Wars. Ah, ben, je voulais peut-être y aller avec autre chose. Ah, ben, vas-y, que t'as donné Star Wars, puis on finira avec Batman après. OK, ben, alors, Star Wars. On a le temps. Oh, vous avez le temps. Parfait. j'ai deux BD de Darth Vader ici pour faire plaisir à Mike. Oh, yeah. Encore une fois, en 5-6 volumes. On a Darth Vader and the Last Command. C'est une BD qui se passe légèrement après, je dirais, la guerre des clones, aussi, quand Anakin Skywalker vient de devenir Darth Vader. Ça, c'est intéressant parce que. C'est sûr que quand on veut apprécier l'univers Star Wars, il faut sortir des films, ça c'est sûr et certain. Mm. Mais ça, c'est des trucs vraiment intéressants de voir Darth Vader ailleurs que commandant ou tu sais, il a fait d'autres affaires, il est pas assis tout le temps dans son vaisseau à faire aller là ça. Non, effectivement, puis on voit que Raider est un gars avec sa 500e légion qui aime prendre les choses de front lui-même. Donc c'est aussi une BD sur qu'on voit dans le fond, on se rappelle tout de Tarkin, l'homme de la Death Star dans l'épisode 4. Oui. Comment ils l'ont recruté dans l'Empire, dans le fond, c'est que étant un ancien officier de la République. De la République, qui était plus ou moins convaincu de l'Empire. On voit la couverture un peu, comme dit, les manipulations politiques de l'Empereur pour faire kidnapper son fils par des rebelles, pour que Vader aille le chercher avec la 501e Légion. Puis Vader va vraiment salir les mains là-dedans. On le voit dans un autre contexte où, dans le fond, il se soucie vraiment de ses troupes. Pour lui, un Stormtrooper, c'est important, mais ses officiers, s'ils font une erreur, ils font tuer des Stormtroopers, d'où le fameux chokehold qu'on connaît tous. Ne me dis ça pas encore. Mais c'est ça, on découvre finalement un Vader qui est pas juste le Sith et le la machine. Le gars qui a un lightsaber, mais aussi, c'est un militaire. Là, c'est un gars Puis c'est un homme d'action, Vader. Puis on voit aussi un peu son dilemme interne après être devenu Vader. Dans le fond, il n'est pas encore tout à fait Vader. Il a encore beaucoup de doutes sur ce qu'il a fait puis comment il est devenu Darth Vader. Parce que dans le fond, c'est tout qu'il est devenu Vader pour sauver sa femme, ce qui n'a vraiment pas marché. Non. Donc, il a encore beaucoup de doutes sur ce qu'il a fait et sur Palpatine. Ah, c'est bon. Ça amène encore une fois un côté nuancé au personnage. Mm. Excellent. Ensuite, Darth Vader and the Ghost Prison. Encore une fois, quelque chose qui se passe un peu après The Clone Wars. Ce qui est le fun dans ce BD-là, c'est la première insurrection contre l'Empire. Des officiers qui sont écœurés que, dans le fond, les jeunes officiers soient envoyés à la boucherie, en guillemets, au service de l'Empire, décident de se rebeller sur Coruscant et d'assassiner l'Empereur. Ce qui réussit presque, c'est que Vader va pour défendre un peu l'Empereur, parce qu'en fond, étant donné que c'est tout des hauts gradés qui ont fait le coup, personne n'a rien vu aller, puis l'armée ne répond pas. Ce qui se passe, c'est qu'il va aller chercher du monde qui est emprisonné en tant qu'Anakin Skywalker pendant la guerre des clones. Donc, il va essayer de retrouver la prison perdue des Jedi que jamais personne n'a voulu lui dire sous quand il était Anakin Skywalker où elle était, mais aussi qu'il a mis 90% des gens dedans. Ah, c'est bon. Donc, évidemment, personne ne sait qu'il est Anakin Skywalker. Débarque là-bas et dit à tout le monde, bon, si vous voulez me servir et revenir dans mon empire, voilà des guns, amusez-vous, les sauveurs viennent avec moi. Ah, c'est une façon comme une autre, écoute. Oh oui. Mais en tout cas, très intéressant, encore une fois, pour un peu aller plus profondément dans le personnage et un peu comme son ressentiment envers Lord Jedi qui n'a pas voulu jamais lui dire. On voit pourquoi un peu. On sait qu'Anakin avait un ressentiment dans les films, mais on n'a jamais creusé plus loin que ça. Ouais. On voit on explique en partie pourquoi. D'ailleurs, c'est là qu'il décide aussi de faire exploser le Temple Jedi parce qu'il est vraiment écœuré de cette fête niaisée. Excellent, mais merci pour le côté Star Wars. Et on finit cette chronique avec un gros morceau, Batman Nightfall, qui est à l'origine du dernier film, là, qui est sorti en Blu-ray. On va nous parler là, de la chute de Batman. Dans le fond, c'est ça, exactement. Vu que le film vient de sortir en Blu-ray puis qu'il est relativement controversé, moi, j'ai aimé. C'est le genre de film que soit t'aimes ou tu détestes, j'ai l'impression. J'ai essayé de parler un peu de son influence. La série Batman Nightfall, qui est disponible en trois gros volumes. C'est quand même une brique, je dis attention à tout le monde. Ça date des années 90, donc attention. C'est pas le même esthétisme que dans les films. Non, là. Non, pas du tout. Puis c'est même un peu cheesy sur les bords, je dirais, pour ceux qui sont un peu plus allergiques au fromage. Par contre, très intéressant, parce que c'est la première apparition de Bane dans une BD de Batman. Bane, dans le fond, qui a été retravaillé énormément par Nolan pour le film, pas nécessairement d'une façon mal. Parce qu'il est pas si gros que ça. Dans... Ben, non, non. Il faut dire que si on... Il est énorme là, dans les BD. Bon, oui. Bane est un monstre dans les BD, dans le fond. C'est un soldat expérimental. Il est mexicain, d'ailleurs. Il n'est pas anglais. c'est pour ça qu'il porte un masque de luchador, un peu pour référence à sa culture. Il n'est pas sur les médicaments contre la douleur à la journée longue. Il est sur les méga-stéroïdes. Ils appellent ça le Venom? Le Venom, qui est une espèce de stéroïde qui a tous les avantages sans les inconvénients et qui te rend... qui multiplie ta force dépendamment de la dose que tu prends, assez pour que Bane puisse vraiment littéralement casser la gueule à Killer Croc les doigts dans le nez. Parce que Killer Croc, l'homme crocodile un peu dans les nez, il est assez balèze. Pour ceux qui ont joué à Arkham Asylum, le premier, vous savez de quoi on parle. Dans le fond, ce qui est Bane aussi, c'est un personnage très, très intelligent. Dans le fond, la motivation de Bane dans la BD à ce moment-là n'est pas un peu de détruire Gotham, mais d'en prendre le contrôle. Bane, dans la BD, est un criminel, dans le fond, plus qu'un un crusader. Il est vraiment à un niveau plus mafia. Donc, son but est, dans Nightfall, justement, de faire tomber Batman avec un plan un peu de faire sortir tous les méchants que Batman connaît, le faire craquer littéralement sous la pression, parce que dans le fond, il y a tellement de job à faire qu'il va finir par burn out. Puis une fois qu'il est assez faible, le casser. Pas le tuer, le casser pour faire un exemple. Je suis le chef, j'ai battu Batman, je suis le seul, et je l'ai pas tué, je l'ai cassé. Et c'est littéralement ce qui arrive. Qui arrête pas de répéter d'ailleurs dans le film. Là. Mm. Donc, en faisant ça, fait l'exemple et devient le plus grand chef criminel de Gotham. Qui va l'écœurer, le gars, dans le fond, qui a cassé Batman, littéralement. Non, c'est clair. Et Bane est extrêmement intelligent, encore une fois, dans cette itération. Oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression, parce qu'il est gros, il est fort, qu'il est souffle. Mais au contraire, c'est ça, c'est un esprit criminel. Contrairement au film de Schumacher, où c'est qu'il est seulement l'idiot de service, zombie un peu, où les Batman The Animated Series qui l'avaient un peu mis comme plus un tueur à gages sans vraiment trop d'ambition. Dans ces BD-là, il est extrêmement intelligent, extrêmement fort. Mais c'est comme ça en trois volumes, fait que dans le fond on voit aussi un peu Batman au lieu de le voir pendant 45 minutes essayer de guérir une blessure en trois mois, c'est presque sur un an. Aussi qu'il se fait remplacer aussi, il y a un nouveau Batman par Azrael, Azrael qui est une espèce de croisée moderne qui finit par embarquer un peu par la bande dans l'idéologie de Bruce Wayne Batman en disant on ne tue pas, on fait le bien, mais qui va finir de retourner ses vieilles habitudes de tuer les criminels en tant que Batman, ce qui fait que, dans le fond, Bruce Wayne aurait été bien en chaise roulante pour le reste des jours, mais finalement, ça le force à sortir de sa retraite pour confronter Azrael et Bane, parce que dans le fond, il se rend compte qu'Azrael fait la job, mais que Bane est encore là, puis que non seulement Azrael fait la job, mais il ternit un peu la réputation du Batman, de la légende. Donc, c'est vraiment pour les adultes, là, quand même. Là, c'est des thèmes assez noirs à ce niveau-là. Mais effectivement, pour l'avoir déjà lu, parce qu'il l'a en roman, je pense aussi. Il avait fait un roman avec ça. Ça vaut la peine pour les amateurs de Batman et aussi de BD plus pour adultes, finalement, avec des thèmes plus sombres un peu. C'est une pièce d'anthologie, je dirais, dans les Batman. Ça, The Killing Joke, quelques volumes, comme ça, c'est pas mal des pièces d'anthologie. Ça, des points marquants de l'histoire de Batman. Excellent. Ah, écoute, merci beaucoup, Julien, d'être passé au studio pour nous parler BD. On a parlé Star Wars et à la fin, toute fin, Batman Nightfall. Merci beaucoup, Julien. Et on continue en musique, M. Castigan. Oui, une toune qu'on a voulu déjà passer, mais qu'on l'a oubliée et qu'on a toujours remis, qui est la toune Nobody Suspect a Thing de Octodad. Oh oui, effectivement, parce que c'est est bonne. C'est la chanson thème du prochain jeu. Oui. Qui va être un prequel de... Oui, comment que l'octodad, le poulpe camouflé en humain, rencontre sa femme et se marie avec, et que comment que personne suspecte la chose. Tout le monde n'y voit que du feu, ni vu, ni connu. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Minasan, konnichiwa. Nihon de wa Naruto dake janakute, minasan, minna de igo shite iru. Soshite na, Quebec ni mo igo shite kudasai. Imakara puissance maximale, kite kudasai. Et oui, de retour à puissance maximale après une excellente chanson, Docto Dad. Et aussi bon que le jeu. Aussi bon que le jeu. Et on va tout de suite y aller avec M. Andrew Castegan qui va nous faire des petites nouvelles rapides et après sa critique de Paper Mario. Oui, première nouvelle. Là, calmez-vous, parce que je vais dire un mot, là, puis là, je sais un nom, puis je sais que tout le monde va se lever, va faire ouh, mais c'est pas des bonnes nouvelles. Parlons Killer Instinct. Assis Mike. En fait, comme vous savez, les premiers Killer Instinct avaient été produits par le studio Rare sur la Super Nintendo à l'époque. C'était quelque chose. Et Dieu sait que c'était un excellent jeu de combat. On se rappellera tous de Combo Breaker. Ouais. c'était excellent. Et tout ça pour dire que Rare, ben, ils sont plus avec Nintendo. Ils sont rendus avec Microsoft. Et Microsoft aimerait bien mettre son grappin sur les droits de ce jeu-là. Et malheureusement, non, ça n'a pas marché. Parce que c'est plus Rare que les droits. Vous allez rire, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. En fait, ils ont fait comment ça fonctionne? C'est que Microsoft a fait une demande au bureau des marques et brevets américains pour demander les droits sur Killer Instinct dans le but de faire un portage HD et une éventuelle suite au jeu. Parce qu'il y avait une version sur... Il n'y avait pas eu une version 64 de ça? Nintendo 64? Oui. Je pense que oui. Mais oui. Moi, je te confirme qu'il y a une version de Game Boy noir et blanc. Je l'avais. Oui, c'est vrai. C'est effectivement vrai. Il y avait une version 64 aussi. Mais tout ça pour dire que ça a été refusé. Et la raison, c'est parce que actuellement les droits de Killer Instinct sont la propriété de Fox. Et là, vous avez on parle de Fox, la chaîne télévisée. La chaîne télévisée. Et le monde va dire pourquoi? Fox, ils n'ont rien fait avec Killer Instinct. Mais je vais vous dire, c'est faux. Car ils ont fait une série télévisée de une saison en 2005. Pour vrai? Mm-hmm. J'en ai jamais entendu parler. Paraîtrait que c'était totalement mauvais et atroce. Mais si on n'a pas entendu parler, ça faisait encore pire que la série télé de Mortal Kombat des années 90. Là. Ça, c'était assez terrible. Oui, ça, c'était mauvais. Mais bref, tout ça pour dire qu'à cause de ça... Il peut pas avoir de jeu. Et Fox ne démorde pas. Ils ne veulent pas vendre... Ils n'ont pas de projet, là. Non. Ils sont bien cabochons. C'est Fox. Fait que ça, c'était la première nouvelle. Fait que vous pouvez pleurer dans votre coin. Ou aller acheter Killer Instinct puis un Super Nintendo. Ouais. Sinon, des nouvelles. Là, vous allez pouvoir faire « Ouais! » Skyrim, oh Dragonborn, yeah! Qui est sorti sur Xbox 360. Confirmé début 2013 pour PC et... PS3. Je n'y crois pas. PS3. Bethesda ont confirmé la sortie de la version du DLC sur la PS3 par le biais de leur blog en même temps que la version PC. Donc, est-ce un signe? Donc, à Bad on Guard? Ouais. Peut-être que le reste en même temps. Peut-être en même temps. Est-ce que c'est signe qu'ils ont tout réglé ou ils ont juste fait celle-là, ça marche bien, les autres, on va laisser ça peut-être. Bref, on va voir. Mais au c'est moins, quand même des bonnes nouvelles. Il y en a moins un qui s'en vient. Bethesda donne un peu d'amour. Je connais un monsieur qui s'appelle Vincent Langlois présentement qui doit être content chez lui, qui a un DLC de. Et moi, j'ai rien qu'une chose à dire, Vincent. Si tu lèves les bras, échappe pas le bébé. Ah, voilà. Ça a été dit. Et une dernière nouvelle. Oui, pour faire retour à une nouvelle de la semaine dernière, où on vous avait parlé du Humble THQ Bundle. Tu sais que je vous avais déjà parlé, c'est un concept, vous donnez un montant X, vous décidez un pourcentage vers la charité, un pourcentage vers les développeurs du jeu, et vous payez le montant que vous voulez. Ça peut être 1$ ou 2 milliards. A lot of people come up to us and say, "Hey Danny Sexbang and Ninja Brian, you guys wear a lot of spandex and live together. Are you gay?" I have to laugh. Could you imagine that? If we were gay? Could you imagine? A newborn deer runs through a field. Rainbow shines from heaven. A child's smile lights up the room. Star shoots in from outer space. A puppy licks its mother. Surpris, je vous dirais, pour première des choses, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? C'est un RPG de base, à la style Paper Mario. Vous commencez, tout le monde est joyeux, la princesse va bien, il se passe un festival X, Y ou Z ou X autre événement. Pis là, la princesse est enlevée. C'est un peu par bazar. Ben, en fait, elle se fait enlever, mais l'objectif premier, c'est... Ben oui, c'était ça, mais bref, il est arrivé un accident. C'est pendant un festival, dans le fond, de l'arrivée de la Sticker Star. Parce que première chose à savoir avec Paper Mario, tout est papier. L'univers au complet est papier, carton, quoi que ce soit. Bien évidemment. Et dans celui-là, ben, ils ont rejeté l'aspect autocollant. Donc, c'est un festival où il y a l'arrivée, dans le fond, de la Sticker Star. Et pendant ce festival-là, la princesse se prépare à la réception de cette étoile-là. Et... Bowser et ses complices et ses sbires décident de s'inviter à ce festival-là pour kidnapper la princesse et, malheur, touche l'étoile Sticker et obtiennent des pouvoirs incroyables pouvant modifier le monde papier et créer des autocollants et en utiliser et kidnapper la princesse on the side. Et ça, c'est l'objectif secondaire, dans le fond. Fait que tout ça pour dire que c'est ça qui arrive et Mario va devoir utiliser les nouveaux pouvoirs conférés par son nouveau... ami que de Paper Mario, un sidekick qui est une genre de couronne qui vole, que je me rappelle plus de son nom, mais c'est Sticker à l'envers. OK. Kirsty, merci. Donc, la personne qui est propriétaire du jeu... est en studio présentement et ouais. nous a soufflé la réponse. C'est ça, mais t'sais, c'est... Dans le fond, je l'ai écrit dans ma face, c'est un peu niaiseux. Oui. Mais bon, ça pour dire que... il y a ces nouveaux pouvoirs-là et il va devoir sauver la princesse et récupérer les 6 autocollants royaux. Si on se fie aux anciens opus de la série, est-ce que ça se rapproche pas mal ou est-ce que le gameplay change beaucoup? Qu'est-ce qui est le fun avec Paper Mario, c'est qu'il rajoute toujours une mécanique à chaque jeu. T'sais, le premier Paper Mario, c'était vraiment un RPG classique, tour par tour avec des attaques. Quand on arrivait dans le deuxième, il y avait un principe d'attaque spéciale avec les sidekicks puis des affaires de même qui ont rajouté. Tandis que dans le troisième, on était plus devant un jeu action RPG, jeu de plateau. Il n'y avait plus vraiment le système de combat tour par tour. T'sais, on faisait des dégâts, on voyait des dégâts numériques dans le fond à l'écran. Mais t'sais, le jeu n'arrêtait pas. T'sais, c'était tout le temps continu. Là, avec celui-là, on est retourné avec le principe de tour par tour, vraiment RPG. Parce que Bagri qui est excellent, le jeu sur la Wii, ça faisait un petit creux. C'était pas un vrai RPG. Fait qu'il y a du monde qui ont moins apprécié. Tandis que selon on va retourner vraiment un principe de tour par tour. Par contre, ils ont mis une petite twist à propos des autocollants. C'est que nos attaques, c'est des autocollants. Donc, dans le fond, quand on se promène dans le monde, on va retrouver des autocollants collés un peu partout, comme exemple une botte, un marteau ou quelque chose comme ça. Puis, il faut les ramasser et les coller dans notre album à collants. Et ça va être nos attaques pendant le combat. Donc, si vous n'avez pas de collants, puis vous allez dans un combat, ben vous êtes d'un... imbécile, et de deux, vous êtes dans la merde. Te faire péter la gueule. Exactement. Et je vous dirais que sinon, en tant que tel, le système de combat est quand même relativement simple. Je vous dirais, j'ai eu bien du fun à me battre. La seule bémol, je trouve, à ce jeu-là versus les autres, pas de level. Il n'y a pas d'expérience. Fait que t'es dans le cas que tu te promènes dans la map et il y a 42 ennemis, mais que tu décides d'en battre aucun ou de toutes les battre, à part l'aspect monétaire de la chose et des items, il n'y a rien. OK. T'sais, c'est un bon et c'est un mauvais côté. Le bon côté, c'est que t'as pas besoin de faire du ramassage d'XP continuel pour être sûr de suivre les niveaux des boss. Mais le moins bon côté, c'est que je trouve que ça laisse une petite saveur stagnante au niveau de la force. C'est sûr que qu'est-ce qui détermine la force des attaques, c'est les autocollants. Parce que dans le fond, vous avez des autocollants réguliers, des autocollants abîmés, des autocollants brillants, des autocollants arc-en-ciel, des autocollants spéciaux. Et tout ça, dans le fond, va déterminer la force de l'attaque que vous utilisez contre les ennemis. Mais ça cause, c'est pas très bien détaillé cet aspect-là. T'sais, on reçoit un autocollant brillant, mais on est comme, OK, bon, je détermine du fait que l'autocollant est plus beau, il est brillant, il fait plus mal, mais au final, on n'a pas vraiment d'idée sur vraiment la force. Pour l'expérimenter. C'est ça, c'est de l'expérimentation. On découvre des nouveaux autocollants, on sait que c'est une nouvelle attaque, mais c'est quoi la portée, les dégâts, on le sait jamais à moins de l'essayer. T'sais, Fait que je vous dirais, c'est un bon, c'est un mauvais côté. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça agréable. J'ai pas eu de misère à prendre le jeu en main. Puis, c'est un autre mode de RPG. Dans le fond, ça rappelle un peu les RPG que les attaques, c'est géré par des cartes. Ok, ouais. Ça rappelle un peu ça, sauf avec un aspect autocollant. Donc, en même temps, ben, les cartes, c'est que ça vient dans un ordre X où vous avez un choix limité, tandis que là, vous avez accès à tout votre livre d'autocollant. Fait que vous faites vraiment qu'est-ce que vous voulez en fonction que vous l'ayez. Fait que, tu sais, je considère que c'est quand même pas si mal. Tu sais, ça limite pas trop dans les actions qu'on peut faire dans le jeu. Mais je vous dirais que mon expérience dans le premier monde versus le boss, je vous dirais pas trop dur, pas trop facile. J'ai été surpris, par exemple, le premier boss, j'ai eu de la misère avant de comprendre la twist. Mais tu sais, en même temps, je donnerai pas toutes les descriptions de la mécanique parce qu'il y a des spinners pour avoir plus d'attaques, des choses comme ça. Mais ça, je vais vous laisser la joie de le découvrir. Mais je vous dirais que c'est un bon petit RPG dynamique. Je vous dirais que si vous cherchez un jeu qui a plus que 2 heures d'autonomie sur votre 3DS, ça peut être un très bon jeu qui risque de vous tenir d'haleine, là, comme n'importe quel RPG sur console portable. Puis je vous dirais que j'ai l'impression qu'il va être plus agréable à jouer que la version Wii pour les puristes, là, dans le fond. Là, que de la série Paper Mario. La seule désavantage, je vous dirais, c'est que c'est un jeu de la franchise Nintendo, donc préparez-vous à débourser comme n'importe quel jeu Nintendo. Vous allez sûrement pas vous en tirer en bas de 40$ pour un jeu de console portable. Je trouve que le jeu en vaut la peine, définitivement. Si vous cherchez une bonne idée cadeau, je vais le répéter la semaine prochaine. Pour notre spécial, oui, ça va être la semaine prochaine pour notre spécial cadeau. C'est ça, je vais le répéter. C'est une bonne idée. Excellent. Bon, mais merci beaucoup, M. Castelgan, de cette critique. Est-ce que, donc, c'est tout ça, là, tout nous amène finalement à la fin de Puissance Maximale. Déjà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier nos collaborateurs. Ben, tout d'abord, M. Julien Materne qui est passé pour nous parler BD. Merci, Julien. Ça fait plaisir, les gars. Vous êtes chaud, c'est beau. Merci, merci. Et merci à M. Andrew Castelgan qui est à la console, comme en son habitude, fidèle. Toujours un plaisir. Maintenant, je continue à faire des trucs de console. Je vais peser des boutons. Ouais, c'est bon. Et mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle en terminant que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher nos anciennes émissions, des nouvelles, podcasts et autres. Et également surveiller sur notre page Facebook. Vous allez dans Facebook, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver assez facilement. On a un nouveau logo, un genre de dé avec les lettres P, M et X. Et vous allez avoir le logo complet en arrivant. C'est un nouveau logo, donc on fait faire des t-shirts. Si vous êtes intéressé à en avoir un, venez nous lancer. Venez peser premièrement sur le bouton j'aime, parce que nous, on vous aime, je le répète, mais c'est vrai. Et nous envoyer un message privé pour nous faire une commande. Faites ça vite parce que ça s'envole très rapidement. Les stocks sont déjà presque écoulés en 2 jours. Donc dépêchez-vous, mesdames et messieurs, à faire votre commande. Allez aussi au ckiafm.org pour acheter votre carte de membre, pour encourager la station et par la même occasion, Puissance Maximale. Donc un petit 20$. Et vous allez avoir accès aussi à des rabais dans les magasins locaux autour de la station. On vous remercie beaucoup et comme à chaque semaine, on vous souhaite une excellente semaine de jeu. Dungeon Master, he's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, die.